a dit « Lire un article de Ralph Waldo Emerson, ce n'est pas plus long qu'un article du Figaro et c'est beaucoup moins fatigant ?» Qui a dit et écrit qu'il lisait Emerson avec ivresse ? Qui cite Emerson lorsqu'il décrit l'effet d'un rayon de soleil sur un esprit solitaire ? Qui, enfin, fait le lien entre ce philosophe, aujourd'hui peu connu en France, Emerson donc, et l'un des sommets de la littérature française au début du XXe siècle ? Qui ? Marcel Proust, pardi. Emerson, Proust, soleil et solitude, c'est la météo ordinaire du jour. Le soleil a des rayons de pluie quand tu n'es pas là. Je suis triste, mon amour s'ennuie quand tu n'es pas là. Et l'oiseau arrête sa chanson, le vent dans les buissons ne chante plus la joie. La colline en deuil fait l'endormie quand tu n'es pas là. La rivière se languit, ma chérie, quand tu n'es pas là. Elle remonte son courant pour guetter ton retour. Le soleil a des rayons de pluie, mon amour. Au jardin de Tuileries ce matin, le soleil s'est endormi tour à tour sur toutes les marches de pierre, comme un adolescent blond dont le passage d'une ombre interrompt aussitôt le somme léger. Contre le vieux palais verdissent de jeunes pousses. Le souffle du vent charmé mêle au parfum du passé la fraîche odeur des lilas. Les statues qui, sur nos places publiques, effrayent comme des folles, rêvent ici, dans les charmilles, comme des sages sous la verdure lumineuse qui protège leur blancheur. Les bassins au fond desquels se prélasse le ciel bleu luisent comme des regards. De la terrasse du bord de l'eau, on aperçoit, sortant du vieux quartier du Quai d'Orsay, sur l'autre rive et comme dans un autre siècle, un hussard qui passe. Les liserons débordent follement des vases couronnés de géraniums. Ardent de soleil, l'héliotrope brûle ses parfums. Devant le Louvre s'élancent des roses trémières, légères comme des mâts, nobles et gracieuses comme des colonnes, rougissantes comme des jeunes filles. Irisées de soleil et soupirant d'amour, les jets d'eau montent vers le ciel. Au bout de la terrasse, un cavalier fou, les lèvres collées à une trompette joyeuse, incarne toute l'ardeur du printemps. Mais le ciel s'est assombri. Il va pleuvoir. Les bassins, où nul azur ne brille plus, semblent des yeux vides de regard ou des vases pleins de larmes. L'absurde jet d'eau, fouetté par la brise, élève de plus en plus vite vers le ciel son hymne maintenant dérisoire. L'inutile douceur des lilas est d'une tristesse infinie. Et là-bas, la bride abattue, ses pieds de marbre excitant d'un mouvement immobile et furieux le galop vertigineux et fixé de son cheval, l'inconscient cavalier trompette sans fin sur le ciel noir. Bonjour Antoine Compagnon. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je suis ravie de vous accueillir ce matin parce que c'est vous qui nous avez donné l'idée de cette émission il y a 2 semaines, je crois, lorsque vous étiez venu parler de Proust. Et vous aviez fait le lien entre Proust et Emerson. Nous avions prévu de parler d'Emerson et vous nous avez appris, vous m'avez appris à cette occasion-là qu'il y avait un lien fort entre Proust et Emerson. Et ce lien, commençons par là, c'était le sens de la chanson de Charles Trenet et du texte que je viens de lire, tiré des plaisirs et des jours, c'est d'abord le soleil. Pourquoi le soleil ? Le soleil est très important à la recherche du temps perdu. Hein. C'est un leitmotiv qui parcourt tout le livre. Alors souvent, on l'associe à Baudelaire. C'est le soleil rayonnant sur la mer de Baudelaire qui revient dans toute la recherche, mais c'est d'abord Emerson, et c'est le rayon de soleil sur le balcon. Dès les premiers textes de Proust, il y a ce réveil et cette sensation dans la matinée du Contre Sainte-Beuve, du rayon de soleil sur le balcon. C'est-à-dire une sensation très ordinaire, hein, dans un réveil parisien. Au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, où il y a l'exposition Proust en ce moment, on montre un caillebotte qui est un rayon de soleil sur le balcon, qui est un magnifique tableau de Caillebotte et qui est contemporain de cette réflexion. Oui, le texte que vous venez de lire est l'un des quatre poèmes en prose des plaisirs et les jours qui porte une épigraphe d'Emerson. Donc en 1896, le jeune Proust, qui a 25 ans, est un lecteur ardent d'Emerson. Et il y a donc une première réception d'Emerson très importante en France. N'oublions pas qu'il a été traduit tout de suite des essais de philosophie américaine, qui sont une anthologie des deux volumes des essais d'Emerson, sont publiés dès 1851 en français. Et il y a un second volume d'Emerson qui s'appelle « Sept essais d'Emerson », avec une préface de Maeterlinck qui est publiée en 1894. Donc c'est le moment où Proust est absolument immergé dans Emerson. Donc il faut imaginer, contrairement au contexte actuel, Emerson, au moment où Proust étudie, commence à écrire, est connu des intellectuels français. Absolument. Il est connu, très lu. Étudié. Le premier qu'il traduit, c'est Montaigu en 1851, c'est le grand critique de la Revue des Deux Mondes. Et ensuite, les sept essais sont donc traduits avec une préface de Maeterlinck. Et puis celui qui traduit « Representative Men » sous le titre « Les surhumains », c'est Jean Isoulet, qui est professeur de philosophie au lycée Condorcet. Et Proust assiste à la soutenance de thèse de Jean Isoulet en 1896 sur la cité moderne. Donc il est tout proche de ce milieu. Isoulet sera plus tard professeur au Collège de France, il aura la chaire de philosophie sociale, c'est un anti-durkheimien, et voilà ce que ça représente à ce moment-là, Emerson. Emerson est très lu dans ces années 1890, Isoulet a aussi traduit Carlyle, on ne peut pas séparer Carlyle. Ouais. Les héros de Emerson, Representative Men, c'est la même configuration, ce sont des phares de Proust avant Ruskin. Proust dit quelque part « Ruskin avait pris l'empire sur mon imagination des mains d'Emerson, de Flaubert ou de George Eliot ». Voilà la configuration dans laquelle Proust lit Emerson. C'est avant de découvrir Ruskin, mais Ruskin est absolument dans la continuité d'Emerson, de ce transcendantalisme américain, mais de ce spiritualisme qu'il trouve chez Ruskin. Proust, sans aucun doute, a été très marqué par Emerson, et pendant longtemps, puisque là je parle de 1896, les plaisirs et les jours. À l'époque du contre Sainte-Beuve, donc 1908, il cite toujours Emerson et il cite toujours cette phrase sur le rayon de soleil qui est l'épigraphe de ce poème en prose. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas lu. Allez-y. Mais la voici. La manière de vivre du poète devrait être si simple que les influences les plus ordinaires le réjouissent. Sa gaieté devrait pouvoir être le fruit d'un rayon de soleil. L'air devrait suffire pour l'inspirer et l'eau devrait suffire pour l'enivrer. On retrouve il y a quelque chose de baudelairien aussi là-dedans, qui rejoint Baudelaire, mais il est clair que ce qui intéresse Proust ici, c'est cette poésie de l'ordinaire et comment, à partir du plus trivial, on peut aller vers le plus essentiel. Et n'oublions pas que c'est ça la philosophie de Proust. Elle est au fond très simple. Proust n'est pas un philosophe, mais la mémoire involontaire, c'est cela. Tous les épisodes de mémoire involontaire reposent sur ce qu'il y a de plus ordinaire dans l'expérience. La Madeleine, quoi de plus simple? Et dans les premiers brouillons, ce n'était pas une Madeleine, c'était du pain rassis. Ensuite, c'est devenu du pain grillé, ensuite c'est devenu une biscotte, et enfin une Madeleine. On s'arrêtait avant le macaron. Ce qui est un peu plus noble, mais Proust délibérément part d'une expérience triviale. Mmh. Et à la fin de La recherche du temps perdu, dans Le temps retrouvé, l'expérience des pavés mal équarris dans la cour de l'hôtel de Guermantes, du bruit de la cuillère contre une assiette et de la sensation de la serviette empesée, Proust choisit des expériences tout à fait ordinaires pour fonder ce cheminement vers ce qui est l'essence des choses. Et bon, on ne peut pas dire que, évidemment, qu'Emerson soit la source unique, mais c'est en très grande consonance avec ce qu'il a lu d'Emerson dans les années 1890. Et en tout cas, on trouve des citations d'Emerson dans Les plaisirs et les jours, donc qui date de 1896. À plusieurs reprises, il y a 4 ou 5 citations directes du texte d'Emerson en lien avec les dimensions les plus ordinaires de l'existence, mais aussi les plus poétiques. On a l'impression que ce sont les deux inspirations principales, hein, c'est la dimension ordinaire et le travail du poète, le travail de l'écriture. Alors, ce qu'il faut aussi certainement ajouter, c'est ce que Proust doit à Emerson du point de vue de l'écriture. Ce qui l'intéresse, c'est ce style qui est le style de l'essayisme. Mm-hmm. Proust découvre chez Emerson, mais on peut dire pas seulement chez Emerson, chez Ruskin aussi, chez Carlyle, cette façon de combiner poésie et pensée. C'est une œuvre de pensée que Proust vise à faire, mais c'est aussi une œuvre de poésie. On a ces deux dimensions. Alors, ce qu'il peut... Enfin, il a des réserves à l'égard d'Emerson, comme il a des réserves à l'égard de Ruskin. S'il a des réserves à leur égard, c'est probablement qu'il pense qu'il ne savait pas tout à fait ce qu'il faisait. Alors que Proust, lui, veut contrôler absolument ce qu'il est en train de réaliser dans son livre. Il le dit souvent de Ruskin. Ruskin, c'est Dites-nous qui est Ruskin. Comment ? Dites-nous qui est Ruskin. Ah ben, Ruskin, c'est donc l'esthéticien anglais que Proust a lu à partir de 1900, donc c'est un petit peu après Emerson. Ruskin meurt en 1900 et Proust vient de commencer à le lire. Et ensuite, il traduit 2 ouvrages de Ruskin, la Bible d'Amiens et Sésame et les Lys, qui sont publiés en 1903 et 1905. Donc c'est à ce moment-là les traductions de Ruskin. Et c'est tout ça qui le mènera peu à peu à la recherche du temps perdu. Alors Ruskin, c'est à la manière d'Emerson, un transcendantaliste. C'est alors il y a aussi beaucoup de rencontres entre Ruskin et Emerson sur des thèmes comme ceux de la conversation, de l'amitié, de la lecture. Ce sont des thèmes proustiens avec lesquels Proust, peu à peu, prendra ses distances. Et qui traverse toute l'œuvre d'Emerson, la conversation, l'amitié, la lecture, absolument. On trouve ça dans tout ce absolument. Texte. Absolument. On trouve tout ça et chez Ruskin et chez Emerson. Encore un dernier point sur l'importance du soleil, parce qu'on est passé très vite, et c'est plus qu'un détail justement, le lien solaire entre Proust et Emerson, n'est-ce pas ? C'est un détail, mais vous le voyez, c'est un détail qui court à travers toute l'œuvre de Proust, puisque l'épigraphe date de 1896, et que le passage est de nouveau cité par Proust en 1908 dans sa correspondance. Donc c'est des passages qui, ce sont des textes qui l'ont beaucoup marqué. Cette idée qu'il faut s'enivrer avec rien du tout, qu'il n'y a pas besoin de drogue pour découvrir la vérité et l'essentiel. Est-ce que Proust partage la conception quasiment panthéiste de la nature qu'a Emerson ? Alors, le texte sur la nature d'Emerson n'est pas un texte que Proust a lu, très vraisemblablement. Les textes que Proust connaît bien, ce sont ceux que vous avez cités dans des précédentes émissions, c'est « Confiance en soi », « Self-reliance » en anglais, c'est « Compensation », c'est « Le poète », c'est « Les lois de l'esprit » ou « Les lois spirituelles », ce sont ces textes-là. Il ne connaît pas, me semble-t-il, le texte de l'expérience qui porte sur le deuil de son fils. Il ne connaît pas les textes sur la nature, mais enfin les thèmes d'Emerson reviennent dans tous ces textes, et donc il peut en être familier. Est-ce qu'il y a un panthéisme de la nature chez Proust? Je ne le dirai pas. C'est pas flagrant. Je ne le dirai pas. Bon, on a souvent reproché à Proust l'absence, justement, d'une dimension métaphysique ou théologique. Et, non, je crois qu'on ne la trouverait pas chez Proust. Dans une lettre à Montesquieu qui date du 19 avril 1896, Proust écrit « Comme dit très bien Emerson, les gardiens de musées ne sont pas des êtres plus élevés et purifiés que d'autres. » Il va alors citer directement un chapitre des Essais sur la philosophie américaine d'Emerson que voici. Aucun homme ne peut apprendre ce qu'il n'est pas préparé à apprendre, quelque proche que l'objet soit de ses yeux. Un chimiste peut sans craindre dire ses plus précieux secrets à un charpentier, ces secrets que pour un empire il ne livrerait pas à un autre chimiste, le charpentier n'en sera pas plus sage. Dieu nous met à l'abri des idées prématurées. Nos yeux sont ainsi faits qu'ils ne peuvent apercevoir les objets qui sont vis-à-vis de nous jusqu'à ce que notre esprit soit préparé. Alors nous les contemplons, et le temps pendant lequel nous ne les avions pas vus nous semble un rêve. Ce n'est pas dans la nature, c'est en lui-même qu'existent toutes les beautés et tous les biens que voit l'homme. Le monde est peu de choses en vérité, et doit tous ses ornements à l'âme qui fait son orgueil. Le sein de la terre est plein de splendeurs, mais ces splendeurs ne lui appartiennent pas. La vallée de Tempé, Tivoli et Rome ne sont que de la terre et de l'eau, que rocher et ciel. Il y a d'aussi bonnes terres et d'aussi bonnes eaux dans 1000 autres lieux. Cependant, combien celles-là nous touchent moins? Le soleil et la lune, l'horizon et les arbres ne rendent point les hommes meilleurs. On n'a pas observé que les gardiens des galeries romaines ou les domestiques des prêtres eussent plus d'élévation de pensée et que les libraires fussent des hommes plus sages que les autres. Il y a des grâces dans la conduite d'une personne noble et polie qui sont perdues pour les yeux des rustres. Toutes ces choses sont comparables aux étoiles dont la lumière n'a pas encore atteint notre globe. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le soleil et la lune, l'horizon et les arbres ne rendent point les hommes meilleurs, écrit Emerson dans ce texte lu par Armand Eloy, donc un extrait des essais sur la philosophie américaine, chapitre Les lois spirituelles, dans une traduction ici d'Émile Montaigu, hein, Antoine Compagnie, donc 1851, donc c'est-à-dire que le texte est traduit immédiatement en français au moment de la parution en anglais. Proust le cite, donc je le disais dans une lettre à Montesquieu, ça veut dire qu'il partage cette idée qu'il n'y a pas de, la nature des hommes ne serait pas affectée par l'environnement extérieur, c'est ça? Alors c'est aussi une lettre de 1896, donc ça nous montre bien le moment où Proust est tout à fait plongé dans Emerson. Alors vous avez cité la traduction de 1851 de Montaigu, avec d'immenses erreurs de traduction, puisqu'il ne s'agit pas des domestiques des prêtres, mais des domestiques des painters en anglais, des peintres, et c'est une coquille, ou une mauvaise traduction, et les libraires, ce sont en fait les librarians, c'est-à-dire les bibliothécaires. Voilà comment on traduisait. Donc, comment on a pu laisser passer ça? C'est ça. Mais c'est ça que Proust a lu, puisqu'il a lu les domestiques des prêtres et pas les domestiques des peintres. Alors, ce qui importait évidemment à Emerson, c'est que les domestiques des peintres, ils étaient prêts de l'art et du sublime, mais que ça ne les transformait pas pour autant. Alors oui, il y a une thèse très proustienne dans cette page, qui est celle de la vie intérieure, qui est celle du retrait pour aller vers la beauté. Ce n'est pas dans la nature, c'est en lui-même qu'existent toutes les beautés et tous les biens que voit l'homme. Et donc il y a là une certaine méfiance relative à l'expérience, relative à la société, et une recommandation de retraite et de contemplation, de loisirs et de solitude. C'est dans la solitude que nous trouvons ou que nous cherchons la vérité. Et c'est là aussi, c'est l'une des grandes leçons de la recherche du temps perdu, avec, à la fin du temps retrouvé, l'abandon de la mondanité et de la société pour la retraite studieuse et la vocation d'écriture. Donc c'est en effet des pages qui ont certainement beaucoup marqué Proust lorsqu'il les a lus bien avant de se lancer dans la recherche du temps perdu et de se retirer du monde pour écrire la recherche du temps perdu. Cette ambivalence à l'égard de la solitude, on peut dire qu'elle caractérise chaque écrivain, puisque le geste même d'écrire consiste d'abord à observer et ensuite à se retirer pour noter ce que l'on a vu et pourquoi pas en tirer une matière romanesque. dès quelques siècles plus tôt, quand on avait parlé justement avec l'insociable sociabilité, ce qui fait qu'on est sans cesse tiré par la société. En même temps, on ne peut pas vivre si on reste au milieu de la société. C'est quelque chose, une expérience qu'on peut tous faire. C'est devenu un sujet philosophique et ça a été vraiment creusé par Emerson dans un texte qu'on a traduit « Société et solitude » où il dit « La solitude est impraticable et la société fatale. Nous devons garder la tête dans l'une et nos mains dans l'autre. Nous y parviendrons si nous conservons notre indépendance sans perdre notre sympathie. » Quelle meilleure formule pour résumer cette ambivalence de l'écrivain à l'égard de la société, Antoine Compagnon. Mais c'est chez Montaigne. Tout ça est très proche de ce qu'on trouve dans les essais de Montaigne. Emerson est un grand lecteur de Montaigne. Emerson est un grand lecteur de Montaigne. Dans les hommes représentatifs, il y a un chapitre sur Montaigne ou le sceptique. Et cette distinction à faire entre la nécessité... Montaigne n'a jamais cessé de pratiquer ce va-et-vient entre la société. Il a été maire, il a pris des responsabilités, et la solitude dans sa tour. Et après avoir fait longtemps l'expérience de la solitude dans la tour et de l'écriture au milieu des livres, il reprend des responsabilités politiques et dans la société de son temps. Donc je pourrais dire la même chose de Proust. On insiste souvent sur cette chambre de Liège dans laquelle Proust se serait définitivement isolé en se mettant à écrire La recherche du temps perdu. Mais non, il s'est isolé pendant quelques années, mais dès 1916, quand il avait, disons, quasi achevé le premier jet de La recherche du temps perdu, il est de nouveau, très souvent, le soir, au Ritz, à assister au bombardement de Paris et aux combats aériens. Donc il ressort, et ça lui redonne des idées pour ses cahiers d'ajoutage et tout ce qu'il ajoute dans son œuvre. Donc la véritable retraite de Proust, elle est seulement de quelques années pour écrire le cœur essentiel de la recherche. Puis il a besoin de nouveau de sortir pour alimenter l'œuvre, pour nourrir l'œuvre. Mais Proust se distingue d'Emerson sur ce plan-là. Il y a chez Proust une critique de la conversation et de l'amitié, et notamment de la lecture comparée à l'amitié et à la conversation, à laquelle Proust ne croit pas. Et de la même façon, Proust se distingue un peu d'Emerson du point de vue de ce culte des génies. Emerson a été un de ces génies pour Proust. Il y a aussi une phrase que Proust cite volontiers d'Emerson, qui est un des adages les mieux connus d'Emerson, qui est, il le cite ainsi, « Emerson disait qu'il fallait atteler son char à une étoile ». Et c'est un adage d'Emerson qui dit « Hitch your wagon to a star ». Il faut s'accrocher à une étoile pour... C'est les surhumains, c'est les génies, pour aller plus loin. Et Proust se détache un peu de cette idée. Enfin, c'est une idée essentielle chez Emerson. Il y a ce texte fondamental d'Emerson qui s'appelle « Quotation and Originality ». Citation et originalité. Mm-hmm. Encore un thème de Montaigne. Et ce qu'Emerson dit dans cet article sur Quotation and Originality, c'est vraiment très proche de Montaigne. Il faut à la fois avoir un certain nombre d'idoles, de lectures, mais il faut aussi savoir s'en détacher, oui, et reprendre sa liberté. Il y a beaucoup de choses là, effectivement. Il y a l'appel à la... Emerson ne cesse d'insister auprès de ses étudiants, notamment dans le texte intellectuel américain dont on a parlé lundi, sur l'importance d'arrêter d'imiter, de ne pas faire comme les autres. Voilà. Mais aussi de croire en son génie propre. Vous dites que Proust ne partage pas avec Emerson le geste qui consiste à louer les hommes géniaux, les surhommes. Alors, surhumain, c'est sans doute une mauvaise traduction. Enfin, aujourd'hui, on traduit les hommes représentatifs. Mais Emerson dit aussi à chaque lecteur qu'il a un génie en lui. Il n'y a pas les grands hommes d'un côté, les petits hommes de l'autre. C'est ça. Nous sommes tous à égalité face au potentiel de création, de créativité. Simplement, il faut oser prendre la parole, il faut oser parler en son nom, dire « je ». Sinon, quelqu'un d'autre le fera après nous, et c'est cet homme-là qu'on nommera génial, alors que nous le sommes autant que lui. C'est ça. Je vous cite une phrase de Quotation and Originality. « We cannot overstate our debt to the past ». But the moment has the supreme claim. Donc on ne peut pas exagérer notre dette à l'égard du passé, mais c'est l'instant, le moment qui doit nous requérir, qui nous réclame. Et il ajoute, seul un inventeur sait comment emprunter, et chaque homme est ou devrait être un inventeur. Donc nous sommes tous des inventeurs, il faut avoir des étoiles auxquels nous raccrocher, nous atteler, comme dit Proust, mais ensuite il faut en effet s'en détacher. Mais c'est aussi ce que disait Montaigne. Notre vie est comme un atelier d'artiste, rempli d'ébauches délaissées. Nous sacrifions tout à des fantômes qui s'évanouissent, un après l'autre. Nous sommes infidèles à nos ambitions, à nos rêves, à nos amis. L'amitié est très peu de choses. Et ceux qui méprisent l'amitié peuvent être les meilleurs amis du monde. Cette impulsion que l'esprit ne peut trouver en lui-même et qui doit lui venir d'autrui, il est clair qu'il la doit recevoir au sein de la solitude, hors de laquelle, nous l'avons vu, ne peut se produire cette activité créatrice qu'il s'agit précisément de ressusciter en lui. De la pure solitude, l'esprit paresseux ne pourrait rien tirer, puisqu'il est incapable de mettre de lui-même en branle son activité créatrice. Mais la conversation la plus élevée, les conseils les plus pressants, ne lui serviraient non plus à rien, puisque cette activité originale, ils ne peuvent la produire directement. Ce qu'il faut donc, c'est une intervention qui, tout en venant d'un autre, se produise au fond de nous-mêmes. C'est bien l'impulsion d'un autre esprit, mais reçue au sein de la solitude. Or, nous avons vu que c'était précisément là la définition de la lecture, et qu'à la lecture seule, elle convenait. La seule discipline qui puisse exercer une influence favorable sur de tels esprits, c'est donc la lecture. Ce qu'il fallait démontrer, comme disent les géomètres. Mais là encore, la lecture n'agit qu'à la façon d'une incitation, qui ne peut en rien se substituer à notre activité personnelle. Elle se contente de nous en rendre l'usage. Comme dans les affections nerveuses auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, le psychothérapeute ne fait que restituer au malade la volonté de se servir de son estomac, de ses jambes, de son cerveau, rester intact. Soit d'ailleurs que tous les esprits participent plus ou moins à cette paresse, à cette stagnation dans les bas niveaux, soit que, sans lui être nécessaire, l'exaltation qui suit certaines lectures est une influence propice sur le travail personnel. On cite plus d'un écrivain qui aimait à lire une belle page avant de se mettre au travail. Emerson commençait rarement à écrire sans relire quelques pages de Platon. Antoine Compagnon, vous avez entendu la voix du baron de Charlus, enfin celle d'Alain Delon qui joue le baron de Charlus dans l'adaptation de L'amour de Swann par Volker Schlöndorff, pardon, en 1984. Baron de Charlus qui fait le constat que l'amitié n'est vraiment que peu de choses, qu'elle ne peut pas durer au sein de la société puisque tout est passager et inconstant. Et ensuite, j'ai lu un extrait de Proust, donc son essai sur la lecture, qui semble répondre justement au baron de Charlus directement en disant « mais cette véritable solitude, la seule manière de la conjurer sans doute, c'est pas par l'amitié, c'est par la lecture ». Et il cite Emerson, disant qu'Emerson lui-même eh bien, relisait toujours des pages de Platon avant d'écrire. Voilà, alors c'est un beau passage de ces journées de lecture, hein, qui est justement la préface de Sésame et Lélis, donc les deux conférences de Ruskin sur la lecture. Proust, dans cette préface, conteste la thèse de Ruskin qui compare la lecture à l'amitié. Et Pour Proust, au contraire, la lecture, c'est la solitude. C'est rencontrer une pensée dans la solitude. Et alors, il cite cette phrase d'Emerson, étonnante. Emerson commençait rarement à écrire sans relire quelques pages de Platon. Alors, ça vient d'un essai d'Emerson qui n'est toujours pas traduit en français. Alors, il y en a beaucoup, oui. Je sais pas très bien comment Proust connaît cette phrase, mais là encore, c'est une phrase qu'il cite tout le temps. Hein. Et la phrase d'Emerson, elle vient d'un texte qui s'appelle « Nominaliste et réaliste », qui est dans le deuxième volume de ses essais. Proust dit par exemple, vous voyez, elle revient tout le temps, Proust dit au moment où il se lance dans la recherche du temps perdu, je lis les écrivains, Proclus, etc., d'une manière qui n'est guère flatteuse pour eux, comme dictionnaire. Et c'est une idée d'Emerson qu'il lit pour se lancer dans l'écriture, pour retrouver, au fond, de manière infidèle, pour retrouver ce qui est en lui. Alors, c'est une idée très importante d'Emerson, qui est aussi très importante pour Proust. Voici ce que disait Emerson de Montaigne. « Il me semblait avoir écrit moi-même le livre dans quelques vies antérieures, tant il parlait sincèrement à ma pensée et à mon expérience. » Alors, cette idée de la vie intérieure, elle revient chez Proust au moment de la mort de Bergotte, dans cette page capitale qui est une page très émersonienne. Hein, l'idée que nous répondons à des obligations qui nous viennent de la vie antérieure. Et Proust développe cette grande idée de ce qu'il appelle, lui, la réminiscence anticipée. Ce qui nous touche lorsque nous lisons, c'est ce que nous... quand nous rencontrons ce que nous avons déjà pensé ou ce qui rencontre notre pensée. Ce qui est très platonicien. Hein. Et ça veut dire que toute connaissance est une reconnaissance. Si vous vous souvenez, c'est ce qui arrive au jeune narrateur avec la lecture de Bergotte, d'Encombré. Il retrouve d'Encombré des choses qu'il avait pensées lui-même, adolescent, comme enfant. C'est ce que Proust appelle la réminiscence anticipée. Lorsqu'on retrouve dans quelqu'un que l'on lit ce que l'on avait déjà pensé. C'est une forme de la mémoire involontaire, cette réminiscence anticipée. Et lorsqu'il évoque cette réminiscence anticipée, Proust dit, donne comme exemple, Francis James, Maeterlinck, Joubert ou Emerson. Donc lui aussi, lorsqu'il lit Emerson, c'est comme lorsque Emerson lisait Montaigne, il y reconnaît ce qu'il avait pensé. Alors ça mène à une grande idée aussi que Proust partage avec Emerson, c'est l'idée que toute la littérature a été écrite par un seul écrivain et qui apparaît dans la même page de ce texte nominaliste et réaliste où Proust rappelle qu'Emerson lisait une page de Platon ou de Proclus avant de se mettre à écrire. À la page suivante, Emerson évoque en effet l'idée que toute la littérature a été faite par un seul homme. Ce qui est bien fait, dit-il, c'est comme si je l'avais fait. Donc chaque écrivain ne serait que la réincarnation du précédent. Chaque écrivain n'est que la réincarnation de l'esprit. Alors ça c'est vraiment emersonien, en effet. Ça c'est totalement emersonien. Et il y a une page de Proust, c'est dans l'article à la fin de sa vie, donc c'est 1921, l'article sur Baudelaire, où devant une photo de Baudelaire, il reconnaît Homère. Et c'est l'idée très emersonienne que chaque poète est la réincarnation du poète éternel. Et il est donc la présence du génie éternel. Donc Proust se considérait lui-même comme étant la réincarnation de génie qui le précédait ? Alors, qui va jusque-là ? Est-ce que Proust se considérait comme la réincarnation du poète éternel ? Peut-être que c'est seulement nous qui pouvons le lire. C'est ça, oui. Parce que quel écrivain oserait dire qu'il est la réincarnation d'Homère ou de Baudelaire. Oh, certains ne se sont pas privés. Comment ? Certains ne se sont pas privés. Certains ne se sont pas privés, sans doute, mais Proust savait à la fin de sa vie qu'il était un grand écrivain, mais souvenez-vous de la page sur la mort de Bergotte, elle est tout sur le mode interrogatif. D'ailleurs, mort à jamais, qui peut le dire ? Qui peut le dire ? Proust ne le formule que sous cette forme de question. Mais cette question, c'est bien celle-là, c'est celle du poète éternel. Nous avons longuement commenté cette mort de Bergotte dans La Recherche du Temps Perdu en tant que compagnon il y a 2 semaines, lorsque vous êtes venu faire une émission sur ce sujet. Et vous avez dit, en passant quelques petites choses, on va juste y revenir, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Cette idée que Proust tient chez Emerson de la frivolité que l'on trouve auprès des mourants. Proust aurait dicté à Céleste Albaret dans la dernière nuit de sa vie, le 18 novembre 1922. Il paraît qu'Emerson disait qu'il fallait éviter la société des mourants car rien n'est plus frivole. Et le fragment dicté est le suivant. Il s'approchait du malade qui allait tenir entre eux des conférences infinies. Et puis un jour, tout est changé. Ce qui était détestable pour nous, qu'on nous avait toujours défendu, on nous le permet. Mais par exemple, je ne pourrais pas prendre le champagne. Mais parfaitement, si cela vous est agréable, on n'en croit pas ses oreilles. On fait venir des marques qu'on s'était le plus défendu. Et c'est ce qui donne quelque chose d'un peu vil à cette incroyable frivolité des mourants. Alors cette incroyable frivolité des mourants, elle vient de The Conduct of Life, la conduite de la vie d'Emerson. Et là aussi, on ne sait pas très bien... Parce que c'était pas encore traduit en français, c'est traduit seulement un peu plus tard, après que Proust le cite. Et pourtant, Proust tient beaucoup à cette phrase. Alors, elle vient de d'un texte où Emerson cite un pasteur de ses amis, donc qui fréquente des personnes au bord de la mort et s'étonne de ce qu'il appelle leur frivolité, c'est-à-dire leur intérêt justement pour des choses triviales. Mmh. Au bord de la mort, on s'intéresse à des choses triviales. Et vous voyez qu'on revient à cette notion d'ordinaire et de cette dialectique de l'ordinaire et du sublime. Et Emerson, il n'est pas clair qu'il le condamne quand il parle de l'incroyable frivolité des mourants. Ouais. Il dit pas qu'il devrait s'intéresser à des questions beaucoup plus tragiques ou beaucoup plus métaphysiques. Et Proust non plus, lorsqu'il évoque avec Bergotte les pommes de terre. Lorsqu'il est question de la mort de la grand-mère, dans ces pages qui sont parmi les plus émouvantes, dans le côté de Guermantes, il y a aussi beaucoup d'éléments triviaux. Nous en avions d'ailleurs cité il y a quelques semaines. Le trivial est toujours le chemin du sublime. Mais pour Proust au fond, comme pour Emerson. Mais est-ce seulement le cas pour Proust et Emerson ? Au fond, n'est-ce pas le propre de chaque écrivain que de savoir déceler dans ce qui paraît des détails aux yeux des autres l'essence même du monde qui nous entoure ? Si on lit avec un certain regard l'Odyssée de Homère, on trouve cette même attention aux petits détails, à l'ordinaire, dans lesquels vient qui est comme un point d'accès vers le sublime. C'est le propre de l'écriture, non ? C'est sans doute ce qui fait la différence entre la littérature et la philosophie. Entre la poésie et la philosophie. Et pourquoi ? Parce que la philosophie, il n'y a pas d'ordinaire, il n'y a pas de sublime. La philosophie part moins de l'ordinaire et du trivial que ne fait la littérature. Mmh. La littérature s'attache... c'est ce que Proust dit lorsqu'il s'intéresse à la cime du particulier. Il faut partir toujours du particulier dans la littérature. Proust insiste beaucoup sur cette notion de particulier. Et c'est à partir du particulier que nous allons aller vers ce qui peut se révéler essentiel. Alors que la philosophie, ce serait l'inverse ? La philosophie ne part pas, en général, du particulier. Parce qu'elle n'y arrive pas ? Ou parce qu'elle se l'interdit ? Peut-être parce qu'elle se l'interdit. Peut-être parce que c'est l'interdit. Et justement, c'est le reproche que l'on peut faire à un auteur comme Montaigne. Est-il philosophe? Puisque Montaigne est encore l'un de ces écrivains qui part, comme Emerson ou comme Proust, toujours du particulier. C'est le problème, c'est que dès qu'un penseur dit « je », alors on lui refuse le titre de philosophe. Donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, mais enfin je pense qu'on l'a dépassé, puisque justement on a des penseurs comme Emerson ou comme Nietzsche, ou comme d'autres. Vous citez Nietzsche, justement, on n'en a pas encore parlé. Nietzsche, grand lecteur d'Emerson, on peut trouver au tout début du Gai Savoir ces quelques lignes. « J'habite ma propre demeure, jamais je n'ai imité personne et je me ris de tous les maîtres qui ne se moquent pas d'eux-mêmes. » Il précise, écrit au-dessus de ma porte, c'est une phrase qui est directement inspirée de la pensée même d'Emerson. Alors, on peut préciser que Nietzsche est traduit dans le même petit milieu proche de Proust dans les années 1890. Ce sont les amis de Proust qui traduisent les premiers textes de Nietzsche. Donc, au moment des plaisirs et des jours, oui, il y a une proximité dans ces lectures. Et j'évoquais le titre qu'Isoulé avait donné au Representative Man, les surhumains, ce sont les phares, ce sont les génies. Oui, Nietzsche est là, et Nietzsche est aussi un style philosophique qui le rapproche d'Emerson, de Montaigne et de Proust. J'avais été frappé de constater que Robert Musil, l'auteur de L'homme sans qualité, avait exactement les mêmes références que Proust. Emerson, Nietzsche et Maeterlinck, qui est celui qui, d'une certaine façon, transmet à Proust la pensée d'Emerson dans la préface qu'il a donnée aux 7 essais. Et ce que Musil recherche chez Emerson, c'est la même chose que Proust. C'est un style de pensée qui puisse combiner, j'ai envie de dire, la philosophie et la littérature. Et Musil prend garde de dire que cet essayisme n'est pas du dilettantisme, ce qui pourrait être le grief habituel. Et j'ai oublié de citer une référence commune dans la série, Emerson, Nietzsche, Maeterlinck, et Musil, comme Proust, y inclut Taine. Hippolytaine. Alors ce qui peut nous surprendre aujourd'hui, puisque nous avons tendance à l'associer plutôt au positivisme, mais pour Proust, Taine, c'est l'essayisme. Toute l'œuvre de Taine est composée d'essais, et il y a des pages de Taine auxquelles Proust est aussi sensible qu'aux pages d'Emerson. Par exemple, voici ce que Proust cite de Taine. « Un écrivain, un artiste, même lorsqu'il rêvasse dans un fauteuil ou qu'il flâne sur le boulevard, se donne autant de mal qu'un autre. » Et chez Taine, il y a la même volonté de, j'ai envie de dire, transcender la différence de la littérature et de la philosophie que chez Proust ou que chez Musil, plus tard, avec l'idée qu'il faut, comme dit Taine, attendre, laisser faire le temps, l'occasion, le hasard. Les gens doivent être pris à très petite dose. Si la solitude est orgueilleuse, la société est vulgaire. Dans le monde, les capacités supérieures de l'individu sont considérées comme choses qui disqualifient. La sympathie nous abaisse aussi facilement qu'elle nous élève. Je connais tant d'hommes que la sympathie a dégradés, des hommes ayant des vues natives assez hautes, mais liés par des rapports trop affectueux aux personnes grossières qui les entouraient. Les hommes n'arrivent pas à s'unir par leurs mérites, mais s'ajustent les uns aux autres par leurs infériorités, par leur amour du bavardage ou par simple tolérance ou bonté animale. Ils troublent et font fuir l'être qui a des hautes aspirations. Le remède consiste à fortifier chacune de ces dispositions par l'autre. La conversation ne nous corrompra pas si nous venons dans le monde avec notre propre manière d'être et de parler, et l'énergie de la santé pour choisir ce qui est nôtre et rejeter ce qui ne l'est pas. La société nous est nécessaire, mais que ce soit la société et non le fait d'échanger des nouvelles ou de manger au même plat. Être en société, est-ce s'asseoir sur une de vos chaises? Je ne vais point chez mes parents les plus intimes parce que je ne désire pas être seul. La société existe par affinité chimérique et point autrement. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Être en société, est-ce s'asseoir sur une de vos chaises ? Demande Emerson. Et il faut le dire, Antoine Compagnon, que bien souvent, Emerson est impertinent, insolent, grinçant, et il dit des choses qu'on s'autorise peut-être à penser tout bas, mais jamais à dire à voix haute, et notamment sa critique acerbe de la société, tout en constatant que nous ne pouvons pas vivre sans elle. C'est ce que d'ailleurs son élève Henry David Thoreau aura bien compris lorsqu'il ira vivre dans une cabane construite de ses propres mains, isolée de la société, mais seulement à 2 kilomètres du village le plus proche. Donc ce qui montre bien que l'isolement est tout à fait relatif. Et cette ambivalence-là, on la retrouve encore une fois dans le rapport à la lecture et à l'écriture. Si bien que... On peut se demander si l'amour de la solitude qui peut-être caractérise Proust, en tout cas leur personnage, ne vient pas lui aussi des lectures que Proust a pu faire d'Emerson, et en particulier de ce texte Société et solitude, Antoine Compagnon. Alors cette page nous fait penser qu'Emerson ne devait pas être si sympathique que cela à fréquenter. Ou alors très drôle. Ou alors très drôle, avec un humour... très acide, puisque cette page a l'air d'être d'un homme assez mélancolique et acariâtre, qui juge lorsqu'il est en société. Il est vrai que on trouve dans La recherche du temps perdu, la condamnation de la conversation, de l'amitié, qui sont toutes des divertissements, au sens pascalien, et qui nous détournent de ce qui doit être la quête de l'essence, qui ne peut se pratiquer que dans la solitude. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose de qui devait être insupportable chez Emerson, c'est l'idée qu'il était toujours en quête derrière l'autre de ce qui était l'autre de l'autre. Quand il lit un livre, comme il le dit, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'auteur, mais l'auteur de l'auteur. C'est l'esprit qui est derrière. Et quand il est en société, il s'intéresse à ce qui est derrière la société. Donc, d'une certaine manière, il est toujours un spectateur. Il est toujours en train d'assister. Plus qu'un acteur dans cette société. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a renoncé à sa vocation de pasteur pour devenir un conférencier. Il y a quelque chose du spectateur de la société. Mais spectateur engagé alors, parce qu'il ne cesse de prôner la vie active. Spectateur engagé, puisque ce qu'il prône, c'est la vie active auprès de ses étudiants de Harvard à qui il s'adresse, mais tout de même spectateur périphérique, qui reste à la périphérie et qui regarde un peu les autres agir. Il y a, ne l'oublions pas, chez Emerson, quelque chose d'assez pessimiste. Alors je ne sais pas si Proust partage ce pessimisme, je n'en suis pas sûr. Mais je vous disais, je relisais ce matin Compensation avant de venir vous voir. Donc l'essai d'Emerson qui s'appelle Compensation. Compensation, c'est un texte qui est tout de même assez noir, avec l'idée de rétribution. J'ai retrouvé cette phrase que je voulais vous citer. La société n'avance jamais. Elle perd d'un côté ce qu'elle gagne de l'autre. Et Emerson nous décrit donc un monde qui est comme un jeu à somme nulle. Et ça, c'est ce qu'il écrit au milieu du 19e siècle. On voit qu'il n'est pas un homme de progrès. On a envie de dire, si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Si on peut pas avancer ensemble dans ce système de, c'est un peu à la limite, c'est un peu mestrien cette vision du monde. Ah, vous iriez jusque là, Joseph de Maistre. C'est-à-dire que le terme de compensation, c'est un terme qui pour moi évoque un peu cette philosophie. Alors est-ce que Proust va de ce côté? Est-ce que pour Proust, la vie est un jeu à somme nulle? Je ne crois pas. Une toute dernière question, Antoine Compagnon. Pourquoi ne lisait-on tant Emerson début du XXe siècle et ne le lisons-nous plus aujourd'hui en France? Que s'est-il passé? Ah, ben, Ce n'est pas forcément la réponse à cette question, hein. Mais elle vaut le coup d'être posée. Il y a un nom qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est celui de Tarde, le sociologue, qui était aussi l'un des intérêts de Proust dans ces années 1890. Il va assister à une leçon inaugurale de Tarde à Sciences Po, et là aussi, il évoque Emerson à propos de Tarde, parce que ce sont des penseurs de l'individu. Et au fond, c'est pour ça qu'ils étaient conformes à cette philosophie des débuts de la Troisième République. Il y a une assez grande solidarité, justement, entre Tarde et la pensée du solidarisme qui est entre Tarde et Taine et Emerson à la solidarité. Et le début de la Troisième République. Au fond, Proust ne cite plus Emerson après la guerre de 14. On est entré dans un autre monde avec la guerre de 14. Proust cite beaucoup Emerson et il est très présent dans sa pensée jusqu'à la guerre de 14. Après la guerre de 14, on entre dans un autre monde, un monde qui est celui du Septuor de Vinteuil et plus celui de la sonate, un monde qui est celui de la dissonance et plus celui de la compensation. Et je crois que ces lectures-là ne passent pas le cap de la Première Guerre mondiale. En tout cas, on continue de le lire cette semaine sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, grâce à vous, Antoine Compagnon, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Et on se quitte fidèle à Emerson, fidèle à Proust, fidèle à Nietzsche, fidèle à Montaigne, en toute solitude. C'est celle de Barbara, chantée par Depardieu. Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce que le diable emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans sa triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va-t'en porter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, solitude, oui, mais en compagnie de Frédéric Worms pour sa chronique philosophique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi y a-t-il des interdits ? Les philosophes réfléchissent beaucoup sur des choses très positives et très universelles, et nous-mêmes, ici, nous n'y avons pas échappé. Nous pensons les droits, les devoirs, des obligations et comment les fonder en justice. Mais dans notre vie, ce à quoi nous nous heurtons d'abord, comme dit Bergson dans la première phrase de son livre sur la morale et sur la religion, est-ce que ce sont des obligations positives ou est-ce que ce ne sont pas d'abord des interdits, des refus, des prescriptions négatives? Le souvenir du fruit défendu est, dit Bergson, ce qu'il y a de plus ancien dans la mémoire de l'humanité. Mais il faut aller plus loin que cette mémoire archaïque, peut-être, de l'interdit collectif et religieux, le souvenir du fruit défendu, du péché originel. Aller plus loin, ou plutôt le rejoindre par un autre côté, par notre expérience individuelle. Peut-être qu'en effet, la première chose que nous expérimentons dans notre vie, dans notre enfance, par exemple, quand nous parlons du devoir ou du droit, c'est d'abord l'expérience de la transgression de quelque chose qui alors va s'exprimer en effet comme un interdit. L'enfant, disent aussi les psychologues et les psychanalystes, l'enfant ressent d'abord le sentiment de l'injustice. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de me prendre ma part de gâteau. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'as pas le droit. Ou bien au contraire, je comprends que j'ai fait quelque chose d'injuste à l'égard de l'autre, ça ne m'empêche peut-être pas de l'avoir fait, mais il y a une sorte de conscience d'une transgression d'abord de quelque chose de négatif qui seulement ensuite nous conduit à la recherche de ce qu'il y a de positif derrière. Qu'est-ce que j'ai brisé quand j'ai transgressé le droit de l'autre? Qu'est-ce que j'ai rendu impossible ou invivable? Quelle est la relation humaine qui ne pourra plus s'exercer lorsque, par exemple, dans l'amour, s'introduit la violence et parfois même le viol? Qu'est-ce qui doit être en effet interdit? Car ce mot est tout à fait frappant, et beaucoup de philosophes y ont réfléchi aussi, en français en tout cas. Quel est ce rôle du langage dans l'interdiction et ce rôle de la relation, de l'interdiction de ce qui se dit entre nous? Eh bien, il s'agit justement de comprendre que c'est entre les humains que surgit non seulement une expérience négative, une souffrance parmi d'autres, mais une souffrance qui s'exprime dans un discours qui prétend à l'universel. Quand je dis à quelqu'un qui m'a volé une part de gâteau, quand je lui dis « non, tu n'as pas le droit », le fait de le dire n'est pas neutre. Je l'exprime en effet comme quelque chose d'universel. Et les philosophes, les citoyens, les politiques, quand ils pourront exprimer leur indignation, seront toujours à la recherche d'abord des interdits. Donc, le discours, l'énoncé universel, trouve sa source dans une expérience, mais ne s'y réduit pas. Et le rôle du langage qui énonce les interdits est absolument fondamental, comme il y a en effet dans les textes, l'interdiction du fruit défendu, l'interdiction de l'inceste, l'interdiction de certains actes qui pourraient empêcher la vie humaine individuelle et collective, la vie humaine tout court. Oui, les humains énoncent dans le langage ce qui peut rendre leur vie impossible, rendre impossible la vie entre eux, et il faut donc l'interdire. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à retrouver en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Thaïs Eloi-Hammer avec Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation des textes. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jordan Fuentes à la lecture des textes, Armand Eloi. On se retrouve demain pour une rediffusion d'une émission d'un cours particulier en compagnie du traducteur Brice Mathieu-Son. Une émission initialement diffusée le 30 avril 2021. Et je vous retrouverai, eh bien, fin juin, car effectivement, je vous retrouverai pour la dernière série du mois de juin, la fin de la grille sur France Culture et la fin aussi de mon travail au chemin de la philosophie. Je ne regarde pas mon équipe, sinon je vais pleurer. Je partirai en effet en septembre pour d'autres horizons, un autre métier, avec tant de choses à apprendre et tant de choses à transmettre aussi. Et c'est forte de ces 14 années au chemin de la philosophie que j'embrasse la suite avec enthousiasme, même si évidemment vous allez énormément, tellement me manquer. Alors d'ici là, vous aurez quelques semaines pour réécouter des émissions déjà enregistrées, puis surtout Géraldine Mosna-Savoie prendra le relais, accompagnée de toute l'équipe, cette équipe formidable qui m'a accompagnée au cours des derniers mois, des dernières années, même la meilleure équipe des Chemins de la philosophie, je redis leurs noms, Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda et Nicolas Berger, Thaïs Eloi-Hammer. Merci à vous, merci d'être là ce matin et on se reverra bien sûr dans d'autres aventures, je serai juste à côté. Pour l'heure, évidemment, vous restez sur France Culture, puisque dans quelques secondes, il sera 11h, et 11h, c'est l'heure de Culture Monde.